Lila par Catulle Mendès. Chapitre 1er. En 6 mois, 2 palefreniers ont demandé leur congé parce que Mademoiselle Léa leur avait cinglé la face à grands coups de cravache. Enfant encore, 16 ans à peine, elle a des violences soudaines de petite bête fauve. Ses trépignements de fillette pour une gronderie ou pour un caprice contrarié sont des attaques de nerfs qui veulent mordre et qui mordent. Ses mains, dans ses colères, empoigne le bois de la table et y enfonce les ongles. Elle a une façon impérieuse et méprisante de regarder les gens, qui a l'air de prévoir quelque insulte et déjà d'y répondre. Soupçonneuse à l'excès, elle guette dans les sourires, dans les haussements d'épaules, dans les paroles mal entendues, des intentions d'outrage ou d'ironie, et ses rages, qui piétinent et cassent les bibelots, n'attendent pas la certitude de l'offense. Ce sont des enfants pareils à elle qui ont dû être à 16 ans les impératrices de Rome, et les sanguinaires courtisanes de l'âge de fer. Un de ses ancêtres au Brésil, car elle est de race portugaise, fut un rude fouetteur de nègres, un pendeur de mulâtresses, qui le soir rentrait à la fazenda avec des taches de sang sur son habit blanc de planteur. Elle tient de l'aïeul, pour une lenteur à obéir ou pour un ordre mal exécuté, le besoin des justices immédiates, que l'on se fait soi-même, juge à la fois et bourreau. Il lui semble que ses esclaves, c'est tout le monde. L'éducation moite du couvent, la vie mondaine, où depuis quelques mois elle commence à paraître, n'ont pas attendri ni frivolisé sa brutalité native. Elle est comme une de ces petites lionnes nées et élevées en cage, en qui se révolte l'instinct du coup de dent et du coup de griffe. Même sa mère, de qui la tendresse s'étonne et s'inquiète, ne réussit pas à la maintenir. Elle aime sa mère, certes, comme elle peut aimer, avec des effusions emportées qui sautent au cou et mangent les joues de baisers, dans des larmes passionnées. N'importe, elle lui en veut souvent, la déteste presque, par saccade, et aussi en de sourdes rancunes qui sont la résignation de son impuissance. Pourquoi ? À cause des réprimandes sans doute et des conseils. Elle n'a jamais oublié un soufflet qu'elle a reçu quand elle avait 9 ans. Mais ce qui l'a surtout exaspérée, sans qu'elle ait clairement démêlé les causes vraies de son irritation, c'est que Madame de Pontevedra soit devenue la comtesse d'Asprières. Se soit remariée encore jeune et belle, pas plus de 33 ans. Que ce fût par colère du nom familial répudié ou par je ne sais quelle jalousie héréditaire, inconsciente, qui ne s'explique pas, mais qui existe chez beaucoup d'enfants du premier lit, Léa déclara qu'elle n'assisterait point à la cérémonie des noces. S'enferma, resta 2 jours entiers sans manger ni boire, voulant mourir de faim, criait-elle à travers la porte. On l'entendait, toute la nuit, frapper du poing, avec un bruit d'enfoncer des clous contre le bois de son lit. Et jamais elle n'a pu s'habituer à la présence de cet homme qui, n'étant pas le maître de la maison, donne des ordres domestiques, qui, n'étant pas le mari de sa mère puisqu'il n'est pas son père à elle, entre dans la chambre conjugale et qui, trop jeune pour qu'elle puisse être sa fille, la traite cependant avec des bonhomies de camarade paternel, l'appelle Léa tout court, la tutoie, lui donne des tapes sur la joue, et les soirs, vers 11 heures, lui dit « Je crois qu'il est temps que tu ailles te coucher. » Pour ces raisons et pour d'autres, sans raison aussi, elle n'est-elle, voilà tout, elle est perpétuellement une susceptibilité en éveil, qui se rencoigne en montrant les dents, prête à bondir, et qui bondit. Une fois, parce que le chat, en jouant, l'avait égratignée, elle l'a pris au cou, et le serrant toujours, ses doigts ne pouvant plus s'ouvrir, elle l'a étranglé malgré elle, avec plaisir, comme l'abbé de la Collonge étrangla sa maîtresse. Ainsi faite, elle est peu à l'aise dans le monde où ses réparties brutales, c'est « non, vous m'ennuyez », à ceux qui l'invitent pour une danse, déconcertent les politesses. Elle se tient le plus souvent dans sa chambre, marchant à grands pas d'un mur à l'autre, lisant sans s'asseoir des livres, n'importe lesquels, dont elle déchire les pages qui lui ont déplu. Et sa seule joie, c'est le matin, quand tout le monde dort encore dans l'hôtel, de sauter en selle, en amazone courte, les cheveux frisés sous un chapeau rond, sans voile, presque un petit homme, sur un cheval qu'elle a bridé elle-même, de cravacher la bête en lui mettant l'éperon au ventre, et de l'enlever, et de s'enfuir dans un galop furieux le long des arbres de l'avenue, et de tourner en plein champ, et de franchir les fossés, les ravins, les haies, sans souci des obstacles, ne s'écartant pas pour un arbre qui traverse la route ou pour une charrette qui barre le chemin, de sorte que plus d'une fois, la jupe déchirée, les mains meurtries, une blessure au front, elle a été rapportée à l'hôtel, se débattant, par des gens qui l'avaient ramassée et qu'elle injuriait. Chapitre deuxième. Une fois, comme elle achevait de s'habiller pour un bal, dans la chambre de sa mère, on frappa deux coups à la porte. Le comte d'Asprières venait s'informer si sa femme était prête à partir. « Entre donc, » dit celle-ci. « Mais maman, je n'ai pas encore mis ma robe et j'ai les bras tout nus. »« Bon, après, tu es une petite fille. Vous pouvez entrer, Georges. » Léa enfonça ses deux poings qui saignèrent dans la glace où elle se mirait. Chapitre troisième. Le lendemain, un peu avant le soir, comme la grande chaleur du jour s'attiédissait dans un commencement de crépuscule, elle vint dans l'appartement du comte d'Asprières, en costume de cheval, la cravache à la main, avec un air point fâché qu'elle a très rarement. « Ma mère est à la vente de charité chez madame de Rosaven. Elle ne rentrera pas de longtemps. Voulez-vous venir vous promener avec moi en attendant le dîner ?»« Tiens, tu as du bonne humeur aujourd'hui. As-tu dit de sceller les chevaux ? Partons. » Lui, bon cavalier, elle, bonne amazone, ce fut une course charmante sous les arbres remués, du côté du bois, où les voitures étaient rares déjà. En galopant, elle bavardait, très gamine, riait pour une branche qui lui rebroussait le chapeau, montrait ses petites dents de jeune louve, était très espiègle, avait des mots tout drôles. Jamais elle ne s'était montrée aussi bonne enfant, aussi joliment cordiale. Comme ils suivaient une allée déserte. « Tiens, à nous voir ainsi tous les deux, seuls, on pourrait croire, savez-vous, que vous êtes en bonne fortune. » Et de rire de plus belle. Il pouffait aussi. Cela lui plaisait que cette sauvagesse s'égaillât, se fit mignonne, amusante, amusée. Très jolie d'ailleurs, avec son air garçonnier. Une charmante promenade. Mais il y eut un accident. Justement, comme il passait tout près du pavillon d'Armenonville, le cheval de Léa, dans la vitesse du galop, buta contre un tronc d'arbre et s'abattit. Elle était déjà relevée quand le comte eut sauté à terre, pas blessé, se tenant les côtes, tant elle riait, mais la figure barbouillée de sable. « Vite, un cabinet » cria-t-elle en entrant dans le restaurant. Et elle demanda du champagne pendant que le comte s'inquiétait encore, prit la bouteille des mains du garçon, en cassa le goulot sur le bord de la table, s'emplit les pommes de vin doré, se mouilla tout le visage en buvant un peu, l'air d'une petite nymphe qui lape de l'eau dans ses mains, releva sa tête folle où il y avait de la mousse dans les cheveux frisés. « Au moins, tu n'as pas de mal, » dit-il. « Ah bien oui, j'ai une idée, puisque nous sommes ici. Si nous dînions... » Pendant le dîner, elle fut tout à fait extraordinaire, si différente d'elle-même. Elle se divertissait des moindres choses, de la mine sérieuse du garçon, du nom du restaurateur tramé dans les serviettes, d'un verre qui tombe avec un bruit clair, d'une bouteille que l'on a de la peine à déboucher. Ne voulant pas qu'on remportât les crevettes, disait « Est-ce que ça se mange tous ces plats qu'il y a sur la carte ?» exigeait qu'on les commande à tous. Dame, elle n'avait jamais dîné en cabinet particulier. Et elle ne cessait pas de rire. Il la laissait faire et la laissait jacasser, indulgent. Il songeait à la joie de la comtesse d'Asprières quand elle apprendrait que sa fille, si morose d'ordinaire et si brutale, avait eu ses franches gaietés. À un moment, comme elle avait beaucoup bu, beaucoup pour son âge, versant elle-même, forçant le comte à boire. « Ah, mon Dieu, comme il fait chaud !» dit-elle. « Veux-tu que j'ouvre la fenêtre ?»« Mais non, mais non !» Et d'un geste vif, elle déboutonna le haut de son corsage. Une étroite blancheur, quelque chose de grêle et de pâle apparut. Il regardait, étonné. « Bah, presque sa fille !» Il regardait toujours sans défiance, non sans plaisir. Elle ne cessait pas d'être diablesse, versant du champagne, encore, s'écriant « Mais buvez donc, moi je crois que je suis grise un peu. » Et à chaque plat que l'on mettait sur la table, relevant le corsage quand le garçon entrait, le laissant retomber quand le garçon était sorti, elle avait des exclamations puériles, demandant avec quoi c'était fait. « N'importe, c'est très bon. » Ses dents, sous les lèvres retroussées, luisaient comme un éclair de neige. D'ailleurs, elle trouvait que maintenant il faisait bien plus chaud. « Vous aviez raison, si l'on ouvrait la fenêtre. » Elle se leva, alla vers la croisée, mais elle se ravisa, tourna sur ses talons, et déboutonnant son corsage jusqu'à la ceinture, elle se laissa tomber sur les genoux du comte en murmurant « Ah mais oui, je suis très grise. Ce qui serait charmant, ce serait d'avoir son lit ici. » Il devint très pâle. Il comprenait enfin, presque. La repousser, lui dire « Voyons, il est tard, votre mère s'inquiète. Mettez votre chapeau, partons. » C'était ce qu'il voulait. Mais du corsage ouvert où l'aigrelle sein pâle tremblait dans la mousseline, il venait une si douce caresse d'odeur fraîche. La chaleur des petites jambes sur ses genoux était si enlaçante et si câline. Les dents blanches, mouillées encore de champagne, lui riaient si près des lèvres qu'une folie l'emporta. C'était ce mouette aussi bu coup sur coup. Et qu'il la prit entre ses bras, violemment, lui serrant des deux mains le cou, la bouche cherchant la bouche. Mais alors elle s'échappa dans un grand rire de triomphe, ramassa sa cravache tombée à terre, lui en cingla le visage, comme elle avait fait au palefrenier, ouvrit la porte, s'enfuit, demanda son cheval. Et une heure après, entrant dans le salon de sa mère où des gens jouaient au whist en écoutant une sonate, « Eh bien, tu sais, cria-t-elle, ton mari, lui, ne trouve pas que je suis une petite fille, et je te l'aurais pris si j'en avais voulu. » Ainsi s'achève Léa de Catulle-Mendès.